l'archange Gabriel, le messager divin. Un voyage personnel à la découverte de la sagesse et de l'inspiration du messager céleste. Chers amis de l'âme, après mon extraordinaire périple à la rencontre de l'archange Michaël, j'ai senti que mon voyage spirituel était loin d'être terminé. Une douce voix intérieure m'appelait à explorer plus profondément le royaume angélique, et c'est ainsi que j'ai commencé ma quête pour comprendre et me connecter avec l'archange Gabriel, le messager divin. La révélation du nom. Mon voyage a débuté dans la bibliothèque d'un ancien monastère, où j'ai rencontré Sœur Maria, une érudite en langues anciennes. Ses yeux pétillaient de sagesse lorsqu'elle m'a expliqué « Savez-vous ce que signifie Gabriel en hébreu ?» Cela veut dire « Dieu est ma force ». C'est une belle promesse de soutien divin, n'est-ce pas ? Cette révélation a résonné en moi, me rappelant que dans nos moments de doute, nous pouvons puiser notre force dans le divin. Gabriel à travers les traditions. Ma quête m'a ensuite menée à travers différentes traditions religieuses. J'ai eu la chance de discuter avec le rabbin Cohen, qui m'a éclairé sur le rôle de Gabriel dans le judaïsme. Dans notre tradition, m'a-t-il expliqué en ajustant sa kippa, Gabriel est l'un des sept archanges. Il apparaît dans le livre de Daniel, interprétant ses visions et lui apportant la sagesse divine. C'est un ange de jugement, mais aussi de miséricorde. Plus tard, j'ai rencontré l'imam Abdullah, qui m'a partagé la perspective islamique sur Gabriel, ou Jibril comme il est connu en arabe. Jibril est le plus important des anges dans l'islam, m'a-t-il dit avec révérence. C'est lui qui a révélé le Coran au prophète Muhammad sur une période de 23 ans. Il a également guidé le prophète lors de son voyage nocturne, l'Isra et Mirage. Ces conversations m'ont fait réaliser à quel point Gabriel transcende les frontières religieuses, portant des messages divins à travers les âges et les cultures. L'expérience d'une artiste. Un jour, alors que je visitais une galerie d'art, j'ai fait la connaissance de Sophia, une artiste dont les peintures semblaient illuminées de l'intérieur. Elle m'a confié son expérience personnelle avec Gabriel. Il y a quelques années, j'étais dans une impasse créative, m'a-t-elle raconté, ses yeux brillants au souvenir. Une nuit, j'ai rêvé d'un être de lumière tenant un lys. Il m'a touché le front, et soudain, des images ont commencé à affluer dans mon esprit. Depuis ce jour, mon art a pris une nouvelle dimension. Je suis convaincue que c'était Gabriel, m'inspirant et me guidant. L'histoire de Sophia m'a rappelé que Gabriel n'est pas seulement un messager, mais aussi une source d'inspiration divine pour les artistes. Une rencontre avec une spécialiste en numérologie. Mon étape suivante a été une rencontre enrichissante avec Sophia, une spécialiste en numérologie. Je m'étais toujours demandé si les nombres avaient un lien particulier avec l'énergie des archanges, et Gabriel en particulier. En discutant avec elle, j'ai appris que le nombre 3 est souvent associé à Gabriel. Le 3 symbolise la communication, la créativité et l'expression, des qualités que l'archange incarne à la perfection. Elle m'a expliqué comment ce nombre revient souvent dans les expériences des personnes connectées à l'énergie de Gabriel. Par exemple, dans les cycles de vie, les dates importantes ou même dans les rêves, le chiffre 3 apparaît comme un rappel de la guidance subtile de l'archange. Cette vision m'a permis de mieux comprendre comment les nombres peuvent agir comme des portails énergétiques, amplifiant notre lien avec le divin. La clarté dans la communication. Ma quête m'a également conduite à rencontrer Thomas, un coach en communication renommé. Il m'a expliqué comment il intègre l'énergie de Gabriel dans son travail. Gabriel est le maître de la communication claire et inspirante, m'a-t-il dit. Quand je prépare mes clients pour des discours importants, je les encourage à invoquer l'aide de Gabriel. C'est fascinant de voir comment leur message devient plus clair et plus impactant. Cette perspective m'a fait réfléchir sur l'importance de la clarté dans nos propres communications quotidiennes. Exploration de lieux sacrés dédiés à l'archange Gabriel. Enfin, j'ai poursuivi ma recherche en visitant des lieux sacrés dédiés à l'archange Gabriel. Le premier était une église ancienne nichée dans les montagnes, où une chapelle entière est dédiée à Gabriel. Situé sur le mont Gargano en Italie, ce sanctuaire, aussi appelé San Michele Arcangelo, est l'un des plus anciens sanctuaires dédiés à l'archange Gabriel en Europe. Il est également associé à l'archange Michel, mais les apparitions de Gabriel y sont également honorées. Ce site attire des pèlerins depuis des siècles. Le silence qui y régnait était presque palpable, comme si l'on pouvait ressentir la présence de cet être angélique à chaque instant. Les fresques, représentant Gabriel annonçant des messages célestes, semblaient presque prendre vie sous l'effet de la lumière douce filtrant à travers les vitraux. J'ai également eu l'opportunité de visiter Israël, un sanctuaire dédié à l'archange Gabriel. La basilique de l'Annonciation. Située à Nazareth, cette basilique est l'un des lieux les plus importants liés à l'archange Gabriel. C'est ici, selon la tradition chrétienne, que Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance à Jésus. La basilique est un centre de pèlerinage majeur et regorge de magnifiques fresques et mosaïques représentant l'Annonciation. Une expérience personnelle. Un soir, alors que je méditais sur tout ce que j'avais appris sur Gabriel, j'ai eu une expérience inoubliable. Une douce odeur de lys a empli la pièce et j'ai ressenti une clarté mentale extraordinaire. Dans cet état de conscience élevée, j'ai reçu un message intérieur profond sur mon propre chemin de vie. Cette expérience m'a convaincue de la présence bienveillante de Gabriel dans nos vies. Invoquer Gabriel. Suite à cette expérience, j'ai développé ma propre pratique pour me connecter à Gabriel. Je partage souvent cette prière simple avec ceux qui cherchent à invoquer sa présence. Archange Gabriel, messager de la lumière divine, je fais appel à votre présence bienveillante. Guidez-moi vers la clarté et la vérité. Aidez-moi à communiquer avec sagesse et compassion. Illuminez mon chemin de votre lumière céleste. Je vous remercie pour votre guidance et votre inspiration. Amen. Je trouve que la méditation avec un cristal de roche ou de la citrine, ainsi que l'utilisation d'huiles essentielles comme le lys ou la lavande, peuvent amplifier la connexion. Témoignage de vie transformée. Au cours de mon voyage, j'ai recueilli de nombreux témoignages touchants de personnes dont la vie a été transformée par Gabriel. Maria, une écrivaine de 35 ans, m'a confié « J'avais le syndrome de la page blanche depuis des mois. Une nuit, j'ai rêvé d'un ange tenant une plume d'or. Le lendemain, les mots ont coulé comme par magie. Mon livre a été terminé en un temps record. » John, un étudiant en théologie de 28 ans, m'a raconté « Lors d'un moment de doute sur ma vocation, j'ai prié Gabriel pour avoir un signe. Le lendemain, j'ai trouvé une plume blanche sur mon bureau, à côté d'un passage de la Bible ouvert par hasard. Cela m'a donné la certitude dont j'avais besoin. Ces histoires, parmi tant d'autres, m'ont profondément ému et ont renforcé ma conviction du rôle puissant que joue Gabriel dans nos vies. » Réflexion finale. Mon voyage à la découverte de l'archange Gabriel m'a profondément transformée. J'ai appris que la communication claire, l'inspiration divine et la recherche de la vérité sont des cadeaux précieux que Gabriel nous offre. Dans un monde où la communication est omniprésente mais pas toujours significative, l'enseignement de Gabriel nous invite à élever nos échanges, à chercher la vérité et à inspirer les autres par nos paroles et nos actions. En cultivant une connexion avec cet archange merveilleux, j'ai découvert que nous pouvons tous devenir des messagers de lumière, apportant clarté, inspiration et compassion dans nos interactions quotidiennes. Partagez votre expérience. Chers amis, mon exploration de l'archange Gabriel a été un voyage extraordinaire et je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont également vécu des moments particuliers en lien avec ce messager céleste. Je vous invite chaleureusement à partager vos propres expériences, visions ou ressentis liés à l'archange Gabriel. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres personnes en quête de clarté et de guidance divine. Que ce soit une révélation soudaine, un rêve inspirant, une communication facilitée de manière inattendue, ou simplement un moment de paix profonde ressenti lors d'une invocation, chaque expérience est unique et précieuse. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. En partageant nos histoires, nous tissons une toile de connexion spirituelle qui renforce notre communauté et approfondit notre compréhension collective de ces messagers divins. Un nouveau chapitre, Raphaël, l'archange guérisseur. Mes chers amis, alors que nous concluons ce chapitre sur l'archange Gabriel, je sens que notre voyage spirituel continue de s'approfondir. L'univers angélique est vraiment un puissant fond de merveille et de sagesse. C'est avec un cœur plein d'anticipation que je vous annonce le prochain chapitre de notre exploration, une plongée dans le monde de l'archange Raphaël, le guérisseur divin. Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », est connu pour son pouvoir de guérison tant physique que spirituel. Il est le patron des voyageurs, des aveugles, des guérisseurs et de tous ceux qui cherchent la santé et le bien-être. Dans notre prochain article, je vous emmènerai dans un nouveau voyage de découverte. Nous explorerons le rôle de Raphaël en tant que guérisseur divin à travers différentes traditions, les moyens d'invoquer son énergie de guérison dans nos vies, des témoignages de guérison miraculeuse attribués à Raphaël, les connexions entre la guérison spirituelle et la science moderne et bien plus encore, préparez-vous à ouvrir vos cœurs et vos esprits à la puissance de la guérison divine. Car si Gabriel est le messager, Raphaël est le guérisseur, celui qui nous rappelle que la santé véritable englobe corps, âme et esprit. Rejoignez-moi bientôt pour ce nouveau chapitre de notre aventure spirituelle. D'ici là, que les messages inspirants de Gabriel et l'énergie guérissante de Raphaël vous accompagnent. À très bientôt pour notre prochain article, Raphaël, l'archange guérisseur.